can't forget. Une dernière. Ah oui. Allegheny Moon, I need your light to help me find romance tonight. So shine, shine, shine on tonight. Allegheny Moon, your silver beam can lead the way to golden dreams. So shine, shine, please shine, shine high among the stars, so bright above the magic of your lamp of love can make. Up to you, please see what you can do for me and for my one and only love. Allegheny Moon, so shine, shine. Thank you. the star, so bright above, the magic of your lamp of love can make him mine. Allegheny moon, it's up to you. What you can do for me and for my one and only love. Shine on me tonight, Allegheny. Vous pensez si c'était sur l'album, sur le disque, sur le CD, sur le 33 tours, sur le vinyle, en tout cas, hein? Je vous ai eu. Oups. Ça a gratouillé, hein? Écoutez bien. Ça ne gratouille plus. Voyons. OK. Mais c'était voulu. Hey, ça, là, madame, mademoiselle, ça demande du professionnalisme. Et c'est des années de pratique à la maison. On ne peut pas arriver puis terminer. Ouh, puis s'imaginer que c'est le disque qui. La prolongation, la suite, l'osmose, l'amalgame d'un titre des années 52-53. Reynald n'était pas au monde. Ou enfin, je ne sais pas, je ne crois pas, je ne sais plus, je suis perdu. Dois-je faire comme l'oiseau? Me lever dans le ciel, m'élever, pas me lever, mais m'élever, parce que me lever dans le... Si je me lève dans le ciel, il faut que je sois un oiseau gigantesque. Un de ces bétails, là, que tu oses même pas regarder dans les yeux, parce que tu sais que si tu fais ça, lui va te repérer. Parce que quand je te dis, là, de le regarder dans les yeux... Pas parce que lui te regarde. Tu peux être de profil. Toi, tu peux le voir. Tu peux avoir peur. Et tu le jettes. Pendant que tu le jettes, tu le vois tranquillement faire un 45 degrés pour t'observer, t'examiner, te regarder et t'analyser. Celui qui se lève vers le ciel. C'est pas le petit oiseau, le pic-pic-pic-pic, qui fait des petits caca sur des petites voitures, là, hein? C'est le gros bétail! C'est entre un peu le Yorkshire puis le chien loup. Tu vois un peu, là, mais c'est pas l'échelle, là. Mais pas d'échelle. Raymond! Raymond! Comment ça plafonne? Raymond, mais pas le... Comment ça plafonne? C'est dommage, ça. J'ai pas mis version plafonnée. Distorsionnée. Étouffée. Crevée, mort. Mais, ouais, c'est ça! Est-ce que je peux vérifier quelque chose avec vous? S'il vous plaît. Merci. Un. Ouais, c'est ça, ça plafonne. Un. On devrait pas faire ça devant vous, là. Ça, c'est de l'amateurisme! Ça fait quelques fois là, que je vérifie mon son en direct avec vous. Voyez-vous un spectacle de Neil Young? Hein, Neil Young arrive sur scène. Excusez-moi, j'ai pas accordé ma guitare. Et là, tu te dis, voyons donc, mon Johnny! Pas mon Johnny, mais mon île, mon île. Je quitterai mon île, jamais sans mon Young. Je chercherai mon île, tout en trouvant mon Young. Et ça réverbère, ça... Oh mon Dieu, là, j'aime pas mon son, madame. Je m'excuse infiniment pour cette émission aussi. La rencontre sera exceptionnelle. Mais je comprends pas pourquoi ça distorsionne pas. Ça m'énerve. Mais on touchera pas à ça. On peut juste vérifier l'autre. Non. OK, ça fonctionne pas. Oui, je sais. Je sais, madame. Ça, je vous fais saigner le tympan. Je m'en excuse infiniment. Je suis un garnement. Heureusement que je suis un garde-main, non pas un garde-à-manger. Un garde-à-manger, hein? Le terme n'est pas pire pour le garde-à-manger. Parce que, non, je viens de décocher le micro. Ça veut dire que j'ai trouvé une bonne idée, là. Un bon fil conducteur qui m'anime, là. Pourquoi on appelait ça un garde-manger? Bon. Je vous ai entendu. Parce qu'il garde la nourriture. Ben oui. Mais un garde-manger. Et c'est comme s'il y avait une personne qui était là pour te refuser ou accepter l'accès à ton garde-manger. Il garde la nourriture. Tu sais, c'est un garde-manger. Il garde la nourriture. Et à un moment donné, tu as une petite fringale, là, il est 2 heures du matin. Tu veux ouvrir la porte du garde-manger, mais le garde veut pas. Il dit ah, non, t'as mis hôpital, t'as mis dîner, t'as mis déjeuner, t'as mis. Qu'est-ce que je pense? Toi, bien petit déjeuner. C'est qui chante là? Attends, c'est qui? Qu'est-ce que je pense? You wanted to mention something before. I want to plug one thing. I waited for Cher. I waited. She's doing solo. She's doing movies now. So I figured I'm going to get a new singing partner. So I've got a new singing partner. Is that right? Yeah. Oh, c'est David Letterman. And we're going to premiere December 31st. In Palm Springs, we're going to open the convention center with a big 60s rock and roll show. And we're she's blonde, however. She's blonde. This is for real? You actually have real? OK, c'est Cher et l'autre est Petit Cher. Grand Cher et Petit Cher. Mais Cher qui est refait de toutes pièces, c'est Petit Cher, lui, qui est décédé, malheureusement, d'un accident. Donc, on parlait de... Ah, du garde-manger! Puis là, David Nelman est arrivé! Puis là, je ne sais pas pourquoi ça ne plafonne pas, mon affaire. Ah, mon Dieu, ça m'inquiète. On va vérifier ça ici. On va mettre ça à on. On va mettre ça à speaker, auto, on. Bon, mais je crois que ça va fonctionner. Ah, au moins, il y a de la lumière. C'est mieux. On peut-tu vérifier, s'il vous plaît? Un. Non, OK, ça plafonne. Sinon, le garde-manger, garde la nourriture. 2 heures du matin, tu as mangé toute la journée. Mais là, t'as une petite fringale, ça gargote. Ça gargote pas, mais tu t'imagines que ça gargote. Tu dis, oh, bon, il faut clopin vers le garde-manger, en sachant bien que le garde n'est pas très ouvert à la discussion. Donc, tu arrives, là, tu sais, de profil, puis tu fais comme si tu dansais, mais de côté. Un peu comme le crabe, là. Là, tu mets la main sur le garde-manger, tu essaies de l'ouvrir, là, il y a une résistance. Il dit non! Voyons donc. Hey, monsieur, c'est moi qui ai payé ma nourriture, là. C'est moi qui ai payé tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai rien volé, moi. Fait que si je veux l'ouvrir, je l'ouvre, c'est à moi. Non! Il répond. Hein. Tu sais, c'est, aujourd'hui, c'est de l'avant-garde. Hein. Non! Il dit non. Puis tu dis, hey, je veux pas discuter avec vous. Il est tard. Mon épouse dort, ma maîtresse commence à dormir et les enfants, ben eux, sont partis chez leur troisième parent. Ils ont trois parents. Et puis, c'est une fin de semaine sur 8, divisé par 3. Les fins de semaine de fériés, ils l'ont. Lorsque c'est des fêtes non négociables, ils l'ont. Et si c'est pour des anniversaires de famille, ils l'ont pas. J'ai ma coquetterie. Je sais dire non. Et garde-manger, bon. Alors, les enfants sont pas là. La maîtresse de somnole. La bonne femme, c'est adore cette affaire-là. Ah, mon... Insignifiante comme un député fédéral. Ah, c'est insignifiant, cette femme-là. Oh! Tu veux même pas lui demander son nom? T'as peur de ce qu'elle va te répondre. Parce qu'elle dit, elle dira pas la vérité. Elle va tourner autour du pot. Puis surtout, faut pas oser se lancer dans la numérologie, dans le style. Quel âge avez-vous, madame? Parce que là, elle va tricoter une pseudo-réalité, là. Elle va presque dire qu'elle vient de devenir au monde, tu sais. Mais ma mère, elle a eu de la difficulté à accoucher, elle. Ah, elle n'a pas déchiré, mais c'était tout comme. C'était tout comme... Et puis, moi, je suis né pas prématuré, au contraire. J'ai resté tellement longtemps, je viens tout juste de sortir. Ouais, j'ai... En sortant, ils m'ont fait un lifting. Ils m'ont dit, t'as pas le choix. Puis là, quand je suis né au monde, là, puis on m'a dit, t'as pas le choix. Tout le pas le choix, il m'a suivi pendant ma courte vie, là. J'ai à peine 2 semaines, monsieur. Et vous avez quel âge? Oh, 32 ans. Oh, mon Dieu, je pourrais être votre femme. Hein, pardon? Non, pas votre femme, votre mère. Je blague. Je suis une blagueuse. Je suis une folle. Je suis une folle de même, moi. Ah, moi, je suis folle de même. Ah, aussi folle que la... Oui. Ben, je me retiens pas. Je suis incontinente humoriste. Humoriste incontinente, humoriste. Moi, pas un sac à... Non, un sac à blague. Non, sans blague, je suis très humoriste. Je sais prendre la vie du bon côté. Surtout de ce côté-là, parce que l'autre, là, c'est ça picote, hein? L'autre côté, je sais pas pourquoi ils ont mis le côté picoté. On n'y va pas souvent, hein? Moi, comment? Ah non, j'ai fait des hautes... Ah, moi, je suis allé à l'université. Ah oui. J'avais un petit envie à un moment donné. Puis, c'était loin du centre commercial. Mais il y avait l'université. Je suis rentré à l'université pour aller aux toilettes. Oui, je suis allé à l'université. J'ai assisté à quel cours? J'étais énervé. C'était pas dans la cour, moi. C'était aux toilettes. J'assistais aux toilettes. Ah, c'est stress avant, hein? Tu rentres là, puis tout le savoir te rentre dedans en même temps. Oh, ça dépend de quelle université, là. Mais celle où je suis allé, c'est au Missouri. Pas au Missouri, au Missouri, aux États-Unis. Je suis allé au Missouri, mais je devais aller faire des emplettes au Missouri, où j'habite. J'habite à Québec. Missouri, Québec, pas loin, là. Hey, on est à l'ère de l'informatique, de la télétransportation. C'est plus de la voiture, là, hein? C'est devant le fuseau, tu choisis l'endroit et tu y es. Ça fait comme pain, vous avez peur, hein? Ah, mais pas le choix, moi. J'ai pas le choix. Non. Est-ce que je peux prendre mon verre d'eau, pas de glace? Parce que j'ai comment... Ouais, j'ai des persévices. Oui, j'ai des persévices dans les amygdales. Ça fait pas mal, mais ils m'ont dit, mettez de l'eau et du sel, gargarisez et engorgez. Alors, je m'engorge. Ils m'ont dit de ne pas cracher. C'est de l'élixir de chameau. Là, l'élixir de chameau, bon, tout le monde va rapidement comme ça, ils vont me dire, Rénal, tu l'as pris dans le désert de Sarah. Mais Sarah Bernard n'était pas là. Donc, je ne l'ai pas pris dans son désert à elle. Je l'ai pris dans le désert de Chloé Sainte-Marie. Vous connaissez Chloé Sainte-Marie? La chanteuse? L'interprète? La comédienne? La belle fille, Chloé Sainte-Marie. Fille intelligente, là. Ah, oh, mon Dieu. Elle a côtoyé les plus grands, dont son ancien amoureux, Gilles Carle. Je ne sais pas s'il était marié, mais ah, oh, mon c'est elle, c'est lui qui l'a comme propulsé. Et puis, c'est elle qui s'est reçue sur la chanson. Parce que son mari est décédé, malheureusement, d'une grave maladie à long terme. Il en a souffert un coup. Et puis là, le garde-manger en question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garde-manger-là? Mais là, moi, monsieur, m'a vous expliqué, c'est que j'ai enlevé le garde et j'ai seulement utilisé le manger. Donc, je n'ai plus de garde-manger, mais je n'ai que du manger. C'est bon du manger. T'aimes-tu ça, manger du manger, toi? Mais surtout après les heures de repas. Ah, ou entre les repas. On dirait que plus c'est coupable, là, plus c'est interdit. Meilleur, c'est... When the twilight is gone, ah, and no songbirds are singing, ah, When the twilight is gone, you come into my heart. And here in my heart, you will stay. While I pray, my prayer is to linger with you at the end of the day. In a dream that's divine, my prayer is a rapture in blue with the world far away and your lips close to mine. J'étais concentré, comme le jus. Ça fait longtemps que je le dis, cette blague-là. Il va falloir que je l'enlève. Mais je crois sincèrement qu'il faut mettre nos blagues dans une actualité, puis à un moment donné, se dire que, bah, on l'a dit assez souvent, là, tu sais, les gens, quand ils s'attendent à ce que tu vas répondre, ressemblent un peu à ça, c'est peut-être le temps de modifier. C'est peut-être le temps d'aller voir ailleurs, de créer, parce que c'est créer, moi, c'est des blagues que j'invente, moi, là. Ben, voyons donc, ben oui. Capable d'inventer des blagues, moi, là. Mais c'est pas tout à fait... Mais c'est pas des blagues comme on entend avec narratif, là. Avec un début, un milieu, puis une fin. Mais c'est plutôt des jeux comme In Vitam Papermann. Ça vient de moi, ça. In Vitam Papermann. Puis là, à un moment donné, quand je suis tellement habitué de le dire, je sais même plus que... L'origine, c'est In Vitam Aeternam. In Vitam Papermann, ça vient de moi. Et puis, ça, j'en ai plein que ma tête voudrait exploser, mais elle n'est pas capable. Parce qu'elle est trop petite. elle n'est pas si remplie que ça. Parce que pour exploser, il faut que l'intérieur soit comme constricté, là, hein? Soit plus capable là, de ne pas hein? Se sentir obligé d'envahir l'extérieur. C'est ça, l'explosion. Sinon, c'est rien. C'est tout le monde attend. Oh, on n'est pas nombreux. Hein? Ça pètera pas, fais-toi en pas, non. La matière grise, ah, moi, ça génère. Ici, ça ne génère plus. Il n'y a plus de génère. Ah, non. Il a arrêté ça, lui. Il se l'est coupé, la matière grise. Parce qu'il a peur que la matière... Comme... Hey, ça... Mais... Beaucoup de personnes s'imaginent ça, là. On croit que plus on a de matière grise, plus nos cheveux vont grisonner rapidement. C'est faux! Parce que moi, j'en ai pas de matière grise. Puis je grisonne. Mais très timidement. Très timidement. Mais je suis comme dans la vie. Hein. Je grisonne comme je me comporte dans la vie. Je suis un être très, très, très, très gêné. Plus gêné que ça, là. Tu dis rénal, là, je me mets à courir. Je veux pas affronter. Parce que je ne suis point un effronté. Hey, l'effronté de Charlotte Gainsbourg, c'est exceptionnel. Ça, je l'ai pas encore vu. Je me reprends. Je l'ai vu, mais j'aimerais le revoir. Je l'ai vu combien de fois? Au moins 3 fois. Pas beaucoup, là. 37-2 le matin, là, c'est assez régulier. L'Unifauve, pour moi, c'est assez régulier. Assez régulier, avant, c'était à chaque année. Maintenant, c'est peut-être aux 3-4 ans. À nos amours de Michel Piala, de Michel. Oh, Maurice, excuse-moi, Maurice, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Michel. Je ne sais pas. Mais quand même, c'était M, MP. Michel Piala, Maurice Piala, il y a un M là-dedans. Mais je tiens à m'excuser auprès de toi. Même si tu n'es plus de ce monde, comme Cyril Collard, comme bien des gens que j'ai appréciés au cinéma, comme Renoir, Remoin Noir, Repâle et Reviens-en. Avez-vous vu les films de Reviens-en? Ah, mon, hey, ça revient constamment. Hein? Reviens-en. En même temps, ça devient comme son grand succès, lui. Il n'y en a pas eu, mais ça revient tout le temps. C'est un peu comme la chanson de Barbara. Ouais, aussi, ça revient de loin. C'est comme une nostalgie dans le creux de ma âme. Bon, je la sors, je m'en vais, oui, c'est toi. Tu es dans la mignonne. Et je cherche le trépale. Le mal de vivre qu'on peut en dire vaincre vivre. Que ce soit un soir ou deux, ou toute la vie, on ne sait plus comment notre amour se vient avec l'amour qui est communal. Oh, hey, en parlant de communal, là. Il y a quelques jours, j'ai imité au travail ma version d'Elvis Presley, Love Me Tender, J'ai chanté ça à la caissière. Elle dit « Ah, mon Dieu, ça joue pas à radio, ça? » Ben oui, c'est moi qui... « Ah, mon Dieu, quelle radio? » C'est KRL. « C'est KRL! » Ben oui, « C'est KRL! » Oui, on dirait une... Elle va s'envoler. « C'est KRL! » Parce que j'ai fait cette version que vous connaissez. Si vous êtes des auditeurs fidèles, on y va. « Love me tender, oh yeah, love me through. » All my dreams fulfilled, oh yeah, baby. Oh my darling, oh yeah, I love you. I am coming as well, oh yeah, baby. Love me tender, love me through. Oh, oh, oh, my dreams. Feel. Oh, my darling, I love you, and enemies will da da da da da da. Way, way, way. C'est là que tu déchires tes pantalons là. Ça, oui, mais c'était mon interprétation d'Elvis Presley. Eddie, my love, I love you so much. Eddie, my love, I love you so much. Eddie, my love, I love you so. How I've wanted for you. You'll never know. Please, Eddie, don't make me wait too long. Oh, Eddie, Eddie, I love you so. Eddie, please write just one line. Tell me your love is still only mine. Don't make me wait too long. You left me last September. Since that time I've been so alone. Now all I do is wish and wait for you. Sinking fast, the very next day might be my last. Please, Eddie, don't make me wait too long. Oh, Eddie, Eddie, I love you so. Eddie, my monsieur, on m'accuse souvent de ne pas épousseter. C'est vrai, mais j'ai une raison. Une raison très simple. Savez-vous de quoi est composée la poussière? Vous savez pas, hein? Je vais vous le dire, c'est gratos. La connaissance générale, je peux en apprendre à quelques-uns. C'est tout simplement des étoiles qui explosent dans l'univers. Et en explosant, bien, tout ça forme de la poussière. Et ce qui tombe sur nos tables, sur nos chaises, sur nos bureaux, eh bien, ce sont des poussières d'étoiles. C'est vrai. Je ne mens pas. Si je mens, monsieur le juge, j'aimerais aller tout simplement directement à l'enfer, parce qu'en enfer, il paraît qu'il y en a du plaisir, il y en a de l'agrément, tout le monde est là, c'est le party, le gros party, la surboom! On a du plaisir, on se regarde, on se fait un petit clin d'œil, on s'en va dans le coin. Youp, youp, youp, youp, youp, et c'est terminé. On en regarde une autre, on fait dans le coin. Youp, youp, youp, youp, ah! C'est l'enfer. Ah! Quand je pense que les gens ont peur d'aller là, tout se passe. Il fait chaud. T'es comme du fromage, t'essayes de tranquillement de pas braiser, oui, de braiser, de te faire une petite croûte. C'est une croûte de propreté, c'est du fromage. Ah, les filles de mauvaise vertu sont là. Toutes les barman sont là. Toutes les bouteilles pleines se retrouvent là. Ah, j'ai hâte. Là, j'ai réservé ma place. Là, j'ai payé avec PayPal. Ouais, sur un magasin cybernétique, là. Ciel.com. Et puis moi, ben j'ai ciel.com, mais donc vous avez le parcours quand vous allez sur le site, allez voir ciel.com. Et vous pouvez cliquer à l'endroit où vous voulez habiter jusqu'à la fin, ben jusqu'à In Vitam Paperman, parce que c'est comme ça, c'est, y a pas de, c'est à l'infini. Tu rentres là, tu n'as pour l'éternité. Là, la question que tout le monde se pose, quelle est la durée de l'éternité? Il n'y en a pas. La temporalité n'a plus sa place. Tout est modifié. C'est 100% plaisir avec du monde tout croche, là. Des gens qui n'ont pas pu aller au ciel parce que, bon, ils ont menti à leur femme, tu sais, mon amour, chérie, ouais. Mais oui, j'étais avec Rita, mais c'était pour le bien de notre entreprise. On avait des dictées à se faire. Ben, j'avais une dictée à lui faire faire. Et comme tu sais que moi et l'orthographe, c'est deux, comme le chantait Gainsbourg. La connaissez-vous, la chanson, hein, Gainsbourg, la dictée de Gainsbourg? Connaissez pas ça? Vous pensez que vous allez l'entendre, là, hein? Mais non! Non, mais je l'ai, là. J'ai le coffret complet de Gainsbourg. Puis ce serait une bonne idée. Pourquoi pas? Mais à savoir, est-ce que c'est dans le coffret que je vois là? Où le disque est-il disparu du coffret? Si vous voulez parler entre vous, je vais aller chercher ce merveilleux coffret. Et pendant ce temps-là, comme on ne peut pas laisser du temps sans musicalité ou sans son, je vais chanter. Mais c'est juste ici à côté. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Oh, ça a l'air d'être pas mal complet, ça. Allons enfants de la batterie. Bon, le titre, en plus, c'est la première, c'est dans les débuts de Gainsbourg. Ah, ben, hey, je suis arrivé dessus. Je suis arrivé en plein dessus. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que je mène une bonne vie et vous allez vous dire c'est arrangé avec le gars des vues, mais pas du tout. Alors, je vous la fais entendre. Ça vaut la peine, c'est excellent, excellent, excellent, excellent. C'est les prémices du grand génie de Gainsbourg. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là, y en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute. Là, il n'y en a pas.

ces petites têtes. Ôte-toi de la climette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes cirés malheureux qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux la bouffer des yeux. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Hey, j'ai juste voulu vous placer Gainsbourg entre deux, c'est-à-dire les tout débuts de Gainsbourg. Hein. Le premier album, c'est la dernière chanson qu'on vient d'entendre, Mambo Miam Miam. L'autre, c'est la première chanson que je vous ai fait entendre en relisant ma lettre. Est-ce que c'est en relisant ta lettre ou ma lettre? Non, c'est en relisant ta lettre. Et dans le milieu, le dernier album studio de Gainsbourg, You're Under Arrest. Bon, là, il y a des puristes qui diront que la période jazz, c'est la meilleure de Gainsbourg, mais il y a quand même des œuvres exceptionnelles, dont L'homme à tête de chou, Histoire de Melody Nelson. Et là, on part dans quelque chose, parce que moi, je connais très bien Gainsbourg. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures, même 5 heures. Je vais faire une émission de 24 heures sur 24, Gainsbourg. Là, j'ai du matériel. On dit ça dans le milieu le radiophonique. Là. J'ai du matériel. Mais moi, là, j'en ai du matériel. J'ai même des exclusivités. Une rencontre qu'il a fait dans une radio libre à Paris où il fait la lecture de Joyce. Une lecture, comme on dit souvent, assez coquine. Et lorsqu'on entend l'enregistrement, il pleut à l'extérieur, on entend la pluie, parce que c'est une radio communautaire. C'est merveilleux, on n'a pas peur de se sentir dans un environnement. Là, on est en train d'enregistrer quelque chose, hein, on n'est pas dans une radio commerciale, donc c'est pas aseptisé, on a droit à tout. Puis Gainsbourg fait son roi en disant « Ah, il y a quelqu'un qui est là. Là, s'il ne s'en va pas, moi, je vais arrêter puis je m'en vais. » Il jouait à ce jeu-là, mais c'est extraordinaire. C'est 17 minutes, là. Je ne vous ferai pas jouer ça là parce qu'on n'a pas le temps. J'ai mon invité, Isabelle Gagnon-Camion, que nous allons entendre. Quand, monsieur le juge? À quel... Oui, je sais, je suis en état de sobriété avancée, monsieur le juge. Je ne peux pas faire autrement. Le matin, j'ai abandonné parce que je faisais la version Jean-Pierre Coffe, moi. Jean-Pierre Coffe me disait, le matin, c'est un petit blanc, très léger, très, très léger. C'est le matin, tu te réveilles. Tu peux même rajouter, moi, il m'avait même conseillé un petit mousseux. Un mousseux, accompagné de jus d'orange. Donc, ça donne quelque chose d'intéressant. Le matin, là, tu sais, tu débutes l'alcoolémie tranquillement. Et le midi, très important pour les déjeuners. Le déjeuner, c'est un petit rouge. Un petit rouge de table, très simple. Là. Mais là, c'est le soir. Au repas principal. Tu sais, le gros repas, là, après la journée, là, hein, t'as travaillé dur, t'as roulé sa pitoune. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, rouler sur la pitoune, c'est que les draveurs du Québec, quand ils se trouvaient sur le fleuve Saint-Laurent, ben, ils roulaient sur les billots, donc on disait des maîtres draveurs, ils roulaient sur des pitounes, puisque les morceaux de bois entiers, ce sont des pitounes. Et on roulait, je ne sais pas si on roule encore sur les pitounes, et beaucoup, malheureusement, se blessaient ou crevaient, puisqu'ils ils pouvaient rester coincés entre deux billots et s'enfoncer. Et dites-vous qu'il n'y en a pas juste deux de large, là. Il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine de large. Donc, eux vont de bio en bio pour les contrôler, pour les amener à un point un peu comme un chien qui gouverne des moutons. Donc, le maître draveur, lui, contrôlait les bio pour les rendre d'un point A à un point B. Il y avait beaucoup de morts, un peu comme les gens qui travaillaient dans les chemins de fer pour faire les tunnels. Il y avait beaucoup de Chinois qui étaient là et c'est de là qu'est né le pâté chinois. Qu'est-ce que le pâté chinois? C'est un mets bien de chez nous. C'est steak, blé d'Inde et patates qu'un humoriste québécois qui est dans l'absurde, que j'adore, Claude Meunier, dans La Petite Vie, a repris parce que son personnage n'arrivait pas à réussir son pâté chinois. Puis il disait, bien, c'est très simple, c'est steak, blé d'Inde, patates. Et cette nourriture-là nourrissait les Asiatiques parce qu'ils étaient nombreux. La majorité, c'était des Asiatiques. Nourrissait ces gens-là pour qu'ils puissent continuer. Et plusieurs crevaient, là, mouraient, puisque ça tombait, le plafond tombait, des rochers pouvaient quitter le plafond, pom, arriver sur la tête du travailleur. Donc, c'est un côté un peu plus sombre que l'on ne parle pas souvent. Moi, je l'évoque peut-être 2-3 fois par année. Hein. Là, c'est la première fois. Cette année, là! Mike, tu veux que j'arrête ça là? On reprendra ça à un autre moment donné? Bon. OK, non, mais moi, je fais comme vous voulez, hein? Ouais. D'accord. On poursuit. On poursuit, mais. Oh, je sais, mais là, c'est très musical, vous allez me dire. Hein, mon intro est très musical. J'ai un peu parlé, mais pas tant que ça. Comme on roule sur des pitounes. Quand on est draveur, ben, ce qui serait bien maintenant, c'est de se mettre dans l'ambiance. Comment on peut se mettre dans l'ambiance? Ben, c'est en écoutant ce style de musique-là. Et là, j'essaie de trouver quelque chose. OK, on va prendre la 12e, mais c'est pas du tout celle qui va faire bouger. Mais on y va avec ça parce que je l'aime bien celle-là. C'est sans doute les draveurs, une fois que leur journée était terminée, ils se retrouvaient dans un chalet, ouvraient quelques bouteilles et chantaient « J'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille, j'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille, j'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille, j'aime la bouteille, moi. » Oh, c'est un bon buveur, ami de la bouteille. Il aime le bon vin. Il a toujours une humeur sans pareil. Le soir et le matin, il me dit à l'oreille: j'aime la bouteille, moi, j'aime la bouteille. Je l'y trouve sage, moi, dans le bas du village. Je l'y trouve sage, moi, dans le bas du village. Et aussi du garçon qui s'en vont voir les filles. Ils disent qu'ils sont des fous. témoins, je dis qu'ils cherchent leur avantage. Je les trouve sages, moins pauvres dans le bord du village. Embrasse, vous n'avez qu'à parler. Et moins dans ma chambrette, je flatte à cachette, moins pour mon petit cabinet. Vient l'ouvrage, souvent je la regarde, je lui fais les yeux doux en lui disant: belle, je vous aime, je vous trouve belle, moins, je vous trouve belle, je vous trouve belle, moins, je vous trouve belle, moins. Dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, la riden. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Je lui ai demandé si elle était à marier. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adalou, la riden. Je lui ai demandé si elle était à marier. Je lui ai demandé si elle était à marier. Non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Non, non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Non, non, répondit-elle, pas avec un cordonnier. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Car avec son haleine, il pourrait me piquer. Sa gamelle aussi par terre, maudit ça mon métier. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Sa gamelle aussi par terre, maudit ça mon métier. Sa gamelle aussi par terre, maudit ça mon métier. Avant ce métier-là, je me serais marié. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Avant ce métier-là, je me serais marié. Avec les plus belles filles qu'il y avait pas dans le quartier. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Avec la plus belle fille qu'il y avait pas dans le quartier. Avec la plus belle fille qu'il y avait pas dans le quartier. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. Elle a des sourcils d'or, de beaux cheveux bouclés. D'autres choses aussi que je ne peux vous nommer. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Dandan la riden, madame Adali, madou, madame Adalou, madame Adalou, madame Adali, madou, madame Adalou, la riden. Aujourd'hui, le lundi 11 février 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes. Et j'ai un blanc. J'ai un blanc! Parce que normalement, je... Non, j'ai pas de texte. Aujourd'hui, le lundi 11 février 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Avez-vous remarqué, je me suis presque étouffé. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, la

suis venu vous faire l'amour. Je suis venu. Ok, c'est bien. Où? Chez un ami dans le 18e. Ok. Non, moi j'ai des huîtres. Voilà, c'est pour ça que je mange un chewing-gum là parce que je me dis, j'ai bouffé vachement d'échalotes et d'oignons. Okay. Ah, je pensais que c'est à cause de l'alcool. Non, j'ai bu un peu de vin, bien sûr. Et aimes-tu mes micros? Ah, ils donnent chaud tes micros, ouais, là. Oui, je le sais. Ouais, exactement. Hey, sinon, on s'est vu rapidement l'année dernière. Oui, parce bah que ouais. Tu étais avec JP Nathan, tu préparais ouais, une vidéo. On s'était vu rapidement parce que moi, de toute façon, dès que tu viens, ça me fait plaisir de te voir. Non, même, ben, même si j'ai pas d'actualité, je m'en fous. Ben là, sans doute que oui. Bah, oui, mais même. Okay. En tout cas, okay. Malgré tout. Depuis que oui, tu m'as branché la première fois, oui. Je me suis dit, putain, ce mec, il est, j'adore quoi. Tu viens tous les ans, tu viens dans ton quartier que t'aimes, mm-hmm. Et t'interroges même des gens qui n'ont même pas d'actualité. Donc, non, c'est pas important. Bah, je suis peut-être la seule, mais. Tant mieux. C'est ça. Et puis, mais qu'est-ce que ça a donné, l'histoire avec Nathan? Alors, donc là, le projet a été bloqué pendant, depuis l'année dernière. Et j'ai revu le prod la semaine dernière. Donc c'est vraiment pendant un an j'ai pas eu de ses nouvelles, rien. Vous avez fait un clip ensemble? Pardon? Vous avez fait un vidéoclip ensemble? Oui, avec JP, on a le clip, tout ça, on a tout ce qu'il faut. Okay. Le master est prêt depuis l'année dernière, voilà. Okay. Après, il y a eu des soucis, on va dire, d'ego vis-à-vis de mon producteur qui a pas. Bref. Okay. Je vais pas dire trop de mal. Mais il y a beaucoup trop de monde là-dedans, ça. Bah, si tu veux, c'était. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression d'aller de. Comment dire? De chemin en chemin. Okay. D'errance en errance. Et voilà, exactement. Les errances rénaldiennes. Tu vois, voilà. C'est pour ça aussi que j'aime bien te voir chaque fois que tu viens. De toute façon, même si un jour je fais plus de musique du tout, j'espère quand même qu'on boira un verre ensemble. Mais pourquoi tu as déjà peut-être une vision de. Bonjour. Ben moi, quelque chose de rafraîchissant parce que, mais peut-être pas alcoolisé, j'arrive d'avion. Ouais, puis moi. Un apéro spritz, c'est parfait. Ouais, ouais. Oh non, pas, j'aime pas les choses amères. Je vais prendre un panaché. Un panaché. Ouais, bien blanc. Bien blanc. Moi, je vais prendre une limonade. Une limonade? Ah oui. Allez, une limonade de Loire. Merci. Alors, ouais. Oui, comme tu, est-ce que tu laisses une. As-tu ouvert peut-être cette vision-là de peut-être plus faire de musique? T'es-tu dans cette option-là? Non, pas du tout. Quand je te dis, même si un jour j'en fais plus, mais que toi tu fais tes petits périples, ça me fera toujours plaisir de te voir, de te croiser, qu'on boive un verre ensemble. Voilà. Non, après moi, de toute façon, tant que Dieu me prêtera la force et l'envie, et surtout l'envie, moi j'arrête pas, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu vas de projet en projet ou si tu attends que ça se débouche et que ça se termine? Alors, non, je ne vais pas de projet en projet, mais j'avais un projet qui a mis du temps un petit peu à s'installer. Après, j'ai eu un projet plus qui paraissait plus, qui paraissait plus professionnel, parce que c'était avec des professionnels, parce que machin, etc., etc. Qui est un projet complètement différent, donc je t'avais un petit peu parlé. Rapidement. Voilà. Ah oui, rapidement, forcément. Je ne vais pas te prendre trop de temps non plus si j'ai rien à dire. Non, mais en plus, tu avais une vidéo que tu préparais et tout ça. Ah oui. Pas le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est le temps qui est. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Non, donc ça, c'est fait, c'est dans la boîte. Oui. Après, tu sais que maintenant, on fait du 8K, avant, on faisait du 4K machin. Donc là, il n'y a pas d'étalonnage sur la vidéo. La vidéo est très sympa. Bon, il n'y a pas d'étalonnage. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un quand même. Ouais. Bon, là, on ne sait pas si on aura un. Bon, bref. Mais il n'y a pas eu de visibilité encore, personne. Non. Bah, il aurait dû y avoir depuis un an. Je te dis, on a été un petit peu bloqué en bis-bis pendant tout ce temps. Et là, on s'est revus la semaine dernière. On a décidé de quand même de sortir le projet. Ah oui, ok. Pour le coup, qui devrait sortir. Alors moi, j'ai demandé des deadlines pour le coup. Hein. J'ai dit, bon, là, ça va, ça fait 3 ans. Ouais. Donc là, j'ai dit, donc normalement, ça devrait être pour le 28 septembre ou le 5 octobre. Ok. À la rentrée. Voilà. Et surtout, Et surtout, oui. Moi j'ai repris non seulement le projet que j'avais avant, oui. Duquel j'ai toujours été très fière, oui. Même si on a eu des petits bis-bis, même si des fois ça a ralenti, mm-hmm. Même si tout ça machin. Mais donc c'est plutôt le côté un petit peu pop-rock électro, avec le côté chanson française, ben voilà, ouais. Mais avec le côté, tu vois, où justement, ce que j'aimais bien et ce que j'aime toujours dans ce projet-là, d'avant, et que je reprends, c'était que même si moi... Et que même moi, si j'ai une façon de chanter très française, très entre gréco et machin et bidule, etc., les arrangements électro-pop-rock derrière, j'adore. Donc là, on reprend ce projet. Avec des nouvelles compositions ou Alors, avec... Oui, avec... Voilà. Et parallèlement, le copain avec qui j'ai fait ce projet-là, tout au départ, on bossait à trois. Et là, on a retrouvé le troisième luron, si tu veux. Et donc là, il y a plein de chansons nouvelles. Que tu as composé ? Alors, que j'ai écrites au niveau des textes, que eux ont composé. On a composé la musique et toi... Et je suis super ravie. Il y en a une qui s'appelle Pamela, c'est l'histoire d'une fille virtuelle. Elle dit « My name is Pamela, Pamela, c'est toujours oui pour toi. » Voilà, et c'est un truc de, du style, voilà, fille virtuelle. Mais est-ce que c'est déjà fini? Est-ce que c'est terminé? Êtes-vous prêt pour le studio? Non, oui, c'est, alors, les maquettes, les démos sont prêtes. Voilà. On a préparé, là, ça fait 2-3 mois qu'on bosse à fond dessus. Donc là, après, il faudra retrouver un petit peu de sous et tout ça pour aller en studio, pour les faire. Mais bon, vraiment, ça me plaît beaucoup. Il y en a une autre, j'ai écrit sur la vie des abeilles. Et j'ai fait une recherche, je te jure, d'enfer. Pourquoi des abeilles? Je sais pas. Ça pique la curiosité. Je sais pas, en fait, c'était une démo que mon ami m'avait envoyée. Il l'avait appelé singe flou. Parce que à un moment, on donne des noms à la, tu sais, à la con. Je t'envoie une démo, je t'appelle comme ça, le machin, voilà. Il l'avait appelé singe flou et moi j'ai dit, j'ai rien dit d'ailleurs. Mais à un moment, je sais pas, ça m'a amené une histoire sur les animaux. Mm-hmm. Donc j'ai fait plein de recherches sur les abeilles. Mais vraiment, une étude approfondie. Entre les nourricières, les tapissières, les ouvrières, la façon dont elles se font grosser, enfin la totale, etc. Et du coup, j'ai écrit une folle ardeuse de pollen. Mais tout est vrai dans ce que je dis, sauf que c'est tourné un peu sexy, voilà. Donc ces deux-là, j'adore. On a repris une chanson de l'album Chien et loup, qui était restée un petit peu très douce. On l'a fait décoller, voilà. Guitare, un peu plus de guitare. Ouais, un peu plus de tout. En plus, j'ai une amie, Karine, qui bosse avec nous maintenant et qui fait des voix, qui fait des chœurs, qui fait des réponses, qui rapporte une mélodie, parce que moi j'ai une voix grave, un peu linéaire. Et là, elle rapporte de la mélodie, des trucs et des machins, c'est génial. Enfin, c'est moi, j'adore. Voilà. Et avec Phil, donc nous, on reprend notre projet. Et en même temps, les deux projets se relient, si tu veux, puisque Gilles et Phil, moi, je les ai connus ensemble. On a commencé la musique ensemble. Pas la musique ensemble, mais ces projets-là ensemble. Et après, même si on a fait des projets, moi avec Phil d'un côté et avec Gilles de l'autre, tout se rejoint. Avec Phil, on reprend bien le projet de Simili Civilisé. Voilà, et donc j'espère que on saura pas ce que ça donnera. Et d'ailleurs Phil m'a envoyé deux morceaux mixés, parce que tu te rappelles, tu m'avais demandé des morceaux avant rapidement. J'avais des extraits à t'envoyer, mais qui étaient nazes. Il n'y avait rien dans l'extrait, quoi. Enfin, en gros. Et là, je vais t'envoyer deux morceaux entiers. Terminé, ça reste de la démo. Une maquette. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Et au moins, je peux t'envoyer deux morceaux entiers. Pas un petit bout, un machin. Un petit bout qui n'est pas fini, un petit bout qui n'est pas machin, un petit bout qui est. Mais depuis qu'on s'est vu il y a un an pour travailler. Alors, j'ai beaucoup déprimé. Ah oui, tu as tendance à. Non, j'ai pas tendance, mais tu veux le projet qui devait sortir il y a un an. Ça n'a pas fonctionné, ouais. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que vraiment, voilà. Donc là, si tu veux, à un moment, d'un coup, tu te dis, bah tiens, enfin d'un coup, on te dit, voilà, tu es avec des professionnels, tout va être comme ça, il y a un cahier des charges, il y a un truc de sortie, un machin, un bidule, et puis tout d'un coup, il n'y a rien. Et tu y crois parce que c'est des professionnels, comme tu le disais. Voilà, à un moment, tu te dis, bah tiens, même si j'adore ce que je fais avec Gilles et Phil, là, d'un coup, il y a un petit goût de boost. tu vois, un petit coup de boost. Qui... Ah, tiens. Et même, je m'étais dit, tiens, ça pourra nous, peut-être nous aider, avec Phil et Gilles, de donner un petit coup de lumière sur ce qu'on fait, quoi. Il en restera peut-être pour moi. Je suis tout seul dans ma maison. Le chien dort sur le paillasson. La grosse horloge distille le temps. Très lentement, trop lentement. Les objets familiers soudain me sont étrangers. Rachel, Rachel, si le petit cochon te mange pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. L'amour, tu sais, ça prévient pas, ça vous arrive avec fracas, ça vous retourne comme un vieux manteau, avant qu'on ait courbé le dos, ça fait mal, c'est banal, parfois c'est très bon aussi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Cette chose en moi c'est encombrant, ça me remplit tous les dedans, mais en même temps c'est stupéfiant, j'ai l'impression d'être vivant, d'être un grand bateau blanc, plein de rire et plein de chant. Rachel, Rachel, si le petit cochon te mange pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Tu vois, je suis complètement cinglé, je me prends pour un bateau doré qui roule en Méditerranée vers des rivages ensoleillés. Il y a des îles azurées et des beaux marins bronzés. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. Quand j'ouvre mes yeux fatigués par les insomnies de l'ennui, je vois ma table tout encombrée d'un amas de feux griffonnés. Dans le ciel, un orage, je voudrais être avec toi. Rachel, Rachel, si les petits cochons te mangent pas, Rachel, Rachel, il en restera peut-être pour moi. En instant, toi, tu es là-bas, avec un marin dans tes bras. L'orage, sûrement, tu t'en fous, car il est grand et beau et doux. Le monde s'est arrêté, pourquoi donc il tournerait ? Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier. Rachel, Rachel, je voudrais être les petits cochons. Rachel, Rachel, et te manger tout en entier. Chagrin que l'on embrasse. De l'eau, de l'autre, rien qu'une larme pour la boire me saoulait. L'eau salée dans un souffle se mélange. Sur ma bouche le goût de l'ange. De l'aube, seulement des gouttes de rosée me saoulent. la lumière s'est éteinte. Malheureusement, parce que t'as eu beaucoup d'énergie. Ah bah ouais, ouais. Puis t'as vu que toutes ces promesses-là n'avaient pas eu... Mais là, cette année, je me suis dit, parce que j'en ai parlé justement chez l'ami, chez qui ils étaient invités à manger des huîtres avec échalotes et compagnie. C'est très ça bon. Ça va? J'ai mangé un chewing-gum avant, ça ah, va? Non, il n'y a aucun problème encore, là, c'est très bon, c'est très bon. Non, mais quand on a eu du plaisir à manger, il ne faut pas être gêné par la suite. Non, mais il faut être gêné quand même avec un copain qui vient du Canada et qui arrive en France et... pardon. Québec, voilà, merde. Oh la grosse bévue. Oh la grosse bévue. Et alors du coup, avec cet ami, en tout cas, je lui dis, tu vois, Reynald, c'est un mec génial et tout ça, mais chaque fois que je le vois, finalement, je raconte un truc négatif. Non, pas... Bon, enfin, à chaque fois, il y a toujours un frein sur le machin. Ah, oui, oui, oui. Et je lui dis, ben là, on va parler culinaire, on va parler cuisine. Oui, allons-y. Aimes-tu faire la cuisine? Ah, j'adore. Mais quel est ton grand succès? Tous. Ah oui? Non, je suis pas une aussi grande cuisinière que ma mère, bien sûr. Mais j'adore cuisiner, j'adore recevoir les amis, j'adore partager, mais j'adore... voilà. Humaniste. Ouais. Mais tu dois avoir des grands plats que les gens te réclament, puisque tu invites beaucoup d'amis. Ben, ils me les réclament tous. Ah, ben mon Dieu. Chaque fois que j'en fais un, ils me le réclament. Ah. Alors, ils aiment particulièrement mes sauces de salade, okay. Mes petits filets mignons. Alors, filet mignon, ce qu'on a le plus facilement, le moins cher, c'est le porc. Ouais. Ouais. Et sinon, comme j'ai de la famille en vraiment pleine campagne, je ramène parfois des petits filets mignons de chevreuil, des choses comme ça. Ah oui. Alors bon, les gens vont dire, ouais, c'est pas beau de tuer les petits bambis. Non, mais ça, tu le dis après. Oui, mais manger ça ou manger du bœuf. Non, mais moi je le dis pas, je le dis tout de suite. Et puis à maman, okay. à maman, ça m'énerve, tu vois, les gens qui vont dire ah, le pauvre petit machin, et le pauvre petit poisson qui vont manger alors, et le pauvre petit poulet. Ouais, mais le poisson, ça peut beaucoup. Le poulet, ouais. Pareil, c'est con, ouais, un poulet. Ouais. Mais bon, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu tues un animal pour le bouffer, il faut pas en plaindre un plus que l'autre. Non. Mais ça dépend aussi de la façon dont les animaux ont été élevés. Ah oui, bah bien sûr. Ouais. Bah là, c'est pas de l'élevage. Ouais. Là, c'est vraiment de la pleine campagne. Ouais, c'est ça. Là. Puis on sent aussi que l'animal est beaucoup plus coûteux, est moins sectaire, est moins pris dans... Ah bah, je vais te dire que le filet de chevreuil, alors faut oublier de regarder le petit chevreuil, hein, parce qu'il est très mignon. Ouais, ouais. Mais c'est d'une tendresse infinie. Ben oui. C'est plus fin et plus tendre qu'un filet de bœuf. C'est magnifique. Ah oui, c'est alors tu le fais ça, tu le coupes en assez gros, donc ça fait des petits médaillons, ouais. De 3 sur 3 en gros. Tu coupes ça un petit peu épais, tu le fais, pareil ça se mange saignant, enfin ou rosé. Après tu déglaces ça, tu fais une petite sauce à la crème. Si tu as un petit peu de fric, tu rajoutes des morilles, alors là c'est le panard. Bon, moi, j'en ai pas, mais je peux te dire que c'est très bon avec des morilles. As-tu pensé, comme un peu Fersen, qui a écrit un album avec beaucoup de beaux, où il raconte des recettes, qui s'appelle Les 11 chansons, où il fait une chanson avec Nadine Trintignant? Non, je connais pas. Et puis, c'est juste la bouffe. Il parle de bouffe, de merguez, de viande froide. Tout l'album, c'est ça. Ah ouais, non, c'est marrant, non, j'ai pas fait ça, mais... Tu sais, le principe de la femme qui monte sur scène et qui peut avoir un monologue sur la bouffe et la musique qui colle un peu à ça, ça pourrait être... La gourmande. Concept, la gourmande, peut-être, ça pourrait être un concept intéressant. Voilà. J'ai même pas perdu. Non, moi je suis gourmande, mais par contre, dans mes chansons, je raconte autre chose. Ouais. Qui sont parfois de la gourmandise, mais... J'aime tellement les images un petit peu décollées, si tu veux, que je ne vais pas parler de cuisine, ou je ne vais pas parler d'amour, je ne vais pas parler de pauvreté ou de richesse. Je vais te balancer des images comme aller bien dans ma soucoupe, comme voilà des... J'aimerais qu'on revienne, parce que j'étais dans l'avion et je pensais à ça. J'aimerais qu'on revienne sur Peter Gabriel, l'histoire que tu nous as racontée au début. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé dans le futur? Ben en fait, c'est quand... Donc moi, j'avais fait mon premier single chez Virgin, c'était en 90, je crois. Et j'avais invité, donc en 90 ou 91, il y a eu les 10 ans de Virgin France. Ouais. Et donc j'avais été invité, comme je faisais partie des jeunes artistes de... voilà. La Valère, hein. Et il y avait plein de gens, il y avait le mec des Smiths, il y avait Étienne Dao, il y avait Simple Minds, Il y avait donc Peter Gabriel, etc. Et Peter Gabriel, moi j'ai toujours été super fan de ce bonhomme et de son label aussi, enfin de tout ce qu'il a fait quoi. Et à un moment. Ouais. Il en a fait connaître des artistes underground. C'est un sacré bonhomme. Mais ouais. Tu l'as connu aussi avec Genesis hein? Alors je l'ai connu, moi je connaissais si tu veux. Moi, quand je l'ai vu chez Virgin lors de cette soirée, bien sûr que je connaissais l'artiste. Okay. Et j'adorais l'artiste, déjà. Quoi. Mais tu connaissais pas vraiment Genesis? Si. Bah si, okay. Mais carrément. Donc, t'étais intimidée? Même plus que ça, j'étais genre, waouh! Ouais, sous le charme. Tu vois? Du personnage. Mais comme ce garçon... Tout le monde lui demandait des autographes, des machins, des gars. Mais moi, je me suis dit, mais moi, j'en ai rien à foutre d'avoir sa signature. Ce que je veux, c'est lui parler ou en tout cas qu'on ait un échange, une complicité d'une seconde. Mais pas parce que signe-moi un papier, quoi. Et donc, je lui avais... donc, à un moment, les attachés de presse le lâchent une seconde. On se croise, il me jette un petit regard, mais gentil, tu vois, gentil, vraiment, pas du tout, je vais te draguer ou quoi que ce soit, mais genre humain, gentil, etc. Et moi, du coup, je me dis, ah, c'est le moment ou jamais. Okay. Et j'ai fait, oh, do you know the story of the frog with the big mouth? Voilà, et donc j'ai raconté cette fameuse histoire de la grenouille à grande bouche, avec mon anglais approximatif. Avec un moment, j'ai fait le héron, je me suis mis sur un pied, j'ai fait comme ça, là, tu sais, avec le grand nez, le grand bec et tout ça. Exactement. Mais je suis un peu comme ça, t'as vu, même si je suis menu, machin, et que je suis une fille, je suis expressive, quoi. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Et le mec, non seulement il m'a écouté jusqu'au bout, mais en plus, tu vois, il n'est pas parti. Déjà, il a fait un sourire vachement sympa, etc. Et il me dit, oh, you know. Genre, j'ai écrit une chanson sur un conte de Perrault, la grenouille qui se fait passer, enfin, qui se fait embrasser, qui devient le prince, etc., etc. Et moi, j'étais là, ouais, genre, il me parle. Limite, j'avais presque du mal. Enfin, j'ai entendu ce qu'il me disait, mais genre, le mec, non seulement il est poli, il m'a écouté jusqu'au bout, non seulement il a souri, et en plus, il me parle. Donc, ça paraît con, mais génial. Et à un moment, il y a un attaché de presse qui vient le chercher, genre, hey, Peter, hey, et il lui a fait, il s'est retourné, il lui a fait, I'm sorry, mais très gentiment, il n'a pas été vulgaire, ni rien. Il a fait, I'm sorry, genre, je suis en train de parler avec Isabelle, et voilà. Et il me dit, donc il termine ce qu'il est en train de me dire, et donc là, il raconte sa chanson, Long Frog, voilà, et il me dit, I'll be back. Moi, je me dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire je reviendrai? Parce que j'ai une chanson qui s'appelle Je reviendrai, en plus. Et 2h30 plus tard, donc la fête battait son plein, tout ça, machin, et y a quelqu'un qui vient doucement me faire un petit tapotis sur l'épaule. Je me retourne, c'était Peter. Et il me dit qu'il venait me dire au revoir, et là, qu'il avait apprécié le petit moment qu'on avait passé ensemble et tout ça. Et là, j'ai dit, oh là là, I feel like a little frog. Ah ouais, et il m'a fait un bisou sur le front et sur les joues. Et je fais, oh yes, now I'm princess. Voilà, et c'était super mignon. Il était, je sais pas, 2h du matin, après il est parti, tout ça. Mais tu vois, le mec, je l'ai rencontré à 10h du soir à la fête. On a échangé une blague un peu pourrie, racontée mal en anglais par moi. Lui m'a raconté un truc, il me dit, I'll be back, et il est revenu. Ouais. Là, tu te dis, waouh! Aux petites heures du matin, surtout, il se souvenait de ce qui s'était passé. Mais quel grand bonhomme! Ah, ouais. Alors que je ne suis rien. Mais il n'y avait pas de grave, il n'y avait pas de drague, ni rien. Non. C'était genre un bonhomme, bonhomme. Deux personnes. Bonhomme. Un super être humain. Et j'adore ce type. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je l'aimais avant. Ouais, et puis là, alors là, c'est bon. Je sais que j'avais raison de l'aimer, quoi. Est-ce que tu l'as suivi par la suite, comme si tu devais continuer cette communication-là? Alors, très bêtement, parce qu'à un moment, il m'avait dit, quand il est venu me dire au revoir, il m'avait dit, si tu veux m'envoyer quelque chose donc au label, etc., tu passes par machin de chez Virgin, etc., comme ça, je l'aurai direct, etc. Et moi, comme je faisais de la petite chanson française qui n'avait rien à voir avec de la world music, je me sentais tellement mal à l'aise, je me suis dit, mais non, je ne vais pas lui envoyer ça, c'est ridicule. Après, tous mes copains m'ont dit, mais t'es con, putain, mais fallait que tu lui envoies T'aurais été sa petite française qui faisait une chanson française. Et pour lui, ça aurait pu être du world, puisque la France fait partie du world. Voilà, mais je ne l'ai pas fait. Non. écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Jamais. Ouais, ou fausse, ou je sais pas quoi, mais enfin, par vrai, en tout cas, sincèrement, j'ai jamais réussi, si tu veux, à. Tous les plans que j'ai eus, on m'a dit rappelle-moi, machin, etc. J'ai. Pareil avec Étienne Dao et Arnold Turgot, ça a été. Il m'avait dit, Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur. Ouais, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais leur demander. Genre, aidez-moi. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que j'aurais été tellement opportuniste que je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il va être opportuniste, c'est pas mal. Mais il en faut. Ouais, mais c'est ce qui m'a toujours manqué. Ouais, attends, Rénald. Mais moi, c'est genre. Je suis fantaisiste, je suis un peu tête brûlée, mais je suis vachement pudique en fait. Qui même me suit ? et voire même, je vais pas aller te forcer ou, enfin, tu vois, c'est même sur mon Facebook, t'as vu comment je suis pas à raconter ma vie. Des fois, je raconte, je mets un petit extrait de chanson ou des fois, je mets un petit truc de « sois poli, c'était pas joli, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petite », voilà, ou « le temps, c'est de l'urgent », du pasteur Pascal, je sais plus qui, ou voilà, je vais, mais je vais pas être, dès qu'il y a des professionnels qui me branchent un peu, etc., je suis toujours un petit peu, tu sais, sur le, déjà, je me demande si c'est du sérieux, après, je me dis, ouais, enfin, j'ai pas les dents qui rayent le parquet, quoi. Donc, et puis j'ai tellement peur d'avoir l'air un jour de ça que jamais de la vie, quoi. Quand je faisais du théâtre, j'ai rencontré Francis Huster, j'ai rencontré Belmondo, j'ai rencontré... Jamais je n'osais leur demander « prenez-moi dans votre équipe » ou « faites-moi tourner » ou « faites-moi jouer » ou... Tu as l'air à le regretter ? Non, parce que, de toute façon, je pense qu'à l'époque, si au-delà de ma pudeur, je pense que je devais pas être prête. Alors si, peut-être un mec comme Francis Huster, à l'époque j'étais vraiment dans le théâtre à fond, là j'aurais peut-être dû avoir le courage de lui dire « bon écoute, là c'est bon ». C'était un grand bonheur, Francis Huster. Ouais, ouais, c'est j'ai vu 5 pièces de théâtre pendant que je passais. Et puis, à chaque fois, c'est, il a rendu un hommage à Sacha Guitry, il a rendu hommage à Gainsbourg. Vraiment, il a joué dans Équateur, un film extraordinaire de Gainsbourg. Ouais, non, non. Connu, mais, c'est... Et c'est marrant parce que c'est un mec qui a... Que... qui a eu du mal à se faire, pas du mal à se faire une place dans le théâtre, mais dans le cœur des gens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que un peu, tout le monde le prenait pour un intello. Ouais, c'est ça, alors il voilà, il l'est quelque part. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un mec beaucoup plus sympa que ce qu'on croit. En même temps, il sait très bien, faire saisir des grands auteurs. Guitry, Sacha Guitry, lorsqu'il a fait son spécial... Regarde, comme un mec comme Weber, ah, oui, oui, oui, c'est pareil, ils sont fabuleux. Mm. Tu vas les voir en spectacle, je veux dire, c'est des gens... Ah, oui, oui. Wow. Oui. Et alors, effectivement, ils ont cette étiquette un petit peu intello, un petit peu... tu vois, voilà. Oui. Mais c'est pas vrai. Non, enfin, non. Après, je les connais pas intimement. Non, oui. Non mais quand tu les vois sur scène nous raconter des auteurs, un peu comme Fabrice Luchini, tu te rends compte qu'ils peuvent désacraliser tout ça puis le rendre audible et compréhensible par monsieur puis madame tout le monde. Donc, c'est de rendre le théâtre à ceux qui vont au théâtre et non pas des professeurs, des philosophes, des oui, gens voilà, qui, voilà, ouais, voilà. Et un peu désacraliser, comme je disais plus tantôt, exploser, faire exploser un peu. Parce que l'art, c'est ça, c'est pas uniquement dédié à des universitaires nerveux. Non, et puis je t'avais dit, moi, à l'époque, quand j'étais collégienne, lycéenne plutôt, Weber, il était venu dans notre lycée faire un exposé sur Molière, sur... Alors, à l'époque, moi, je devais avoir 15 ou 16 ans. Bon, bah, lui, il n'était pas super connu ni rien. Mais n'empêche, je me souviens de ce mec-là depuis ce jour-là. Tellement il était passionnant, tellement il était emporté, tellement il était... Enfin, voilà... Et en même temps, il te racontait les choses, c'était ludique. Oh oui, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait croire qu'il est plus dans le côté un télo, et puis que voilà, hermétique, voilà. En fait, non, il était, en tout cas, je me souviens de cet épisode-là, c'était, voilà, c'est des grands bonhommes, quoi. C'est des grands bonhommes, quand même. C'est pour ça qu'il reste encore aujourd'hui très présent, et on en parle aujourd'hui encore. Et quand il fait... Quand il fait une pièce, enfin, quand il est programmé, je vais te dire, ça fonctionne bien. C'est ça aussi. Il se refuse à rien. Il se refuse absolument rien. Il veut faire connaître même les auteurs, Antonin Artaud, les gens les plus singuliers, parce qu'ils méritent d'être connus. C'est pas des gens qui sont confinés, comme je te disais, aux universitaires ou aux gens un peu plus intellectuels. Ces créateurs-là sont là pour être entendus et vus de partout, qu'ils soient sculpteurs, peintres ou poètes. Oui. Poètes en quelque sorte. Mais toi, est-ce que tu avais envisagé à un moment donné d'écrire et non pas de mettre en musique ce que tu voulais dire? Ah, moi j'ai commencé par l'écriture. Et au départ, bon. As-tu des cahiers de poésie? Bien sûr. Ah là là, mais j'ai des trucs de dingue. Mais jamais édité, là. Non, parce que je me dis, genre à 12 ans, j'écrivais des trucs style et quand le coup de masse s'abat dans la chair molle, enfin des trucs de un peu noir et tout ça et machin. Et quand j'étais toute petite, j'avais écrit un truc pour la Bibliothèque Rose sur un poème de Marie, sur Marie, machin bidule. Après, j'ai écrit des trucs, des petites nouvelles, des petits machins, des petites piécettes. Donc moi, c'était ce qui m'intéressait. J'avais commencé par la danse au départ, et le théâtre. Ouais. Et après, si je me suis mise à la chanson, c'est uniquement parce qu'on m'a demandé d'écrire des textes. Et qu'à un moment, parce qu'on a bien aimé ma voix, on m'a dit, bah tiens, pourquoi tu ne les chanterais pas? Mais qu'est-ce qui faisait qu'à 12 ans, tu écrivais des choses aussi simples? L'adolescence était difficile. Écoute, ma mère me l'a demandé, parce que non, parce qu'on avait fait une soirée, donc moi je suis de Metz, 57. Et c'est la Lorraine. C'est la plus élevée en France. Ah bon? Ben oui. Ah, ben, je ne savais pas. Ben oui, parce que moi je suis allé faire les vendanges à Champillon, qui n'est pas très loin. METZ, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est ça, mais c'est à côté de Champillon. Champignon. Ben oui. Champignol. Non, non, Champignon, c'est la petite... Reims, à côté de... entre Reims et Metz, oui, alors. Oui. Ah, oui. Ben, je connais pas Champignon. Mais hein. Voyons donc. Oh, ben voyons donc. Ben, le champagne vient de là, entre autres. De Champignon. Champignon, oui. Ben oui, monsieur Autréau, madame Autréau, ont des terres, des vignes, et puis j'ai été cueillir, c'est la plus vieille ville en France. Alors ça, je vais te dire, je vais le marquer sur Facebook dès demain. Et c'est un Québécois qui me l'a dit. Exactement. Mais donc, là-bas, ta mère t'obligeait à écrire Non, pas du tout. En fait, donc moi, j'écrivais... quand j'étais, je crois, c'est pas une vantardise ni rien, non. Mais quand j'étais gamine, j'aimais pas la télé, j'aimais pas tout ça, et j'étais bien. Tout le temps dans ma chambre, et je rêvais, je regardais le plafond, et j'écrivais. Ok, ah c'est bon. Voilà. Et vers l'âge de, donc cette soirée-là, c'était des textes que j'écrivais depuis l'âge de, j'ai pas pris ceux que j'écrivais toute petite, mais depuis l'âge de 9-10 ans, et donc là j'avais 14 ou 15 ans quand on a fait cette soirée-là, c'était à un endroit qui s'appelle à Metz, le Cercle Paul Verlaine. Okay. Et j'avais été repérée par un petit journaliste du Républicain Lorrain qui aimait bien ce que j'écrivais. Et c'est lui qui m'a branchée pour faire cette soirée. Et donc... Tu avais 12 ans non, quand j'ai fait la soirée, donc lui m'a branchée, je devais avoir 12 ans. Okay. Mais quand j'ai fait la soirée au Cercle Paul Verlaine, j'en avais 14. Okay. Voilà. Il avait fait un petit article sur Républicain, digne descendante des muses, etc. Enfin, c'était vachement mignon. Et donc, j'avais fait cette soirée où j'avais dit mes textes. Et comme j'en avais plein, j'avais appelé une copine. Elle disait un texte, j'en disais un, etc. etc. De tes textes à toi. Mais c'était tous mes textes. Et mes parents, ils n'avaient jamais vu ce que j'avais écrit. Enfin, tu vois, c'était pas... C'était nouveau, là. C'était quelque chose... Et ma mère... Et ma mère, à la fin de la soirée, bon, elle m'a laissé avec les gens, tout ça, tatati, tatata. Savourer ton succès. Voilà. Et après, quand à un moment, elle m'a dit, « Oh, ma chérie, mais je savais pas que tu avais autant souffert. » Oh, c'est bon. Jamais ce qu'on dit quand on tient une femme dans ses bras. J'aimerais mieux le mimer, ce qu'on dit et que je ne peux pas dire. faudrait que je le dise, et un jour je le dirai, ce qu'on dit quand on tient une femme contre soi. S'il a dit je t'aime, je t'aime. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.